Encore posté derrière la mitraillette, mitraillette. Du sable plein les yeux, obligé de les plisser. Il en vient presque à regretter le lycée, la caserne. Que ce pays inconnu qu'il n'a pas pu visiter. Dans sa bouche une cigarette, il meurt s'il se rate. Est-il si serein de voir sombrer les hommes? Ses amis ne lui parlent plus, ils disent que c'est un assassin. Alors que ce fantassin n'a jamais tué personne. Il en a marre de ce bruit de moteur et de balles. Les morts qui défilent à l'appel, de faire la file et l'appel. La fumée le soulage. Il a perdu un pote il y a trois jours. Il regarde sa photo pour se donner du courage. Sa meuf prend de ses nouvelles, pour elle il s'inquiète. Toutes les fins de semaine il lit sa lettre, lit sa lettre. Elle lui dit qu'elle aime, qu'elle voudrait qu'il revienne. Mais qu'elle lui tâte vraiment qu'il arrête, qu'il arrête. En attendant il fume une cigarette, cigarette. En rêvant d'être autre part. Il se dit qu'il faudra bien vivre avec, vivre avec. En espérant que ça passe. Il déjeune plus, sa boule au ventre prend trop de place, trop de place. Il aimerait changer de tête ou venir un jour déguisé. Le regard vers la fenêtre, il aimerait être autre part et quitter les couloirs du lycée, du lycée. Les manqueries, ça fait 2 ans qu'il vit avec. Impuissant, on lui raquette ses cigarettes, cigarettes. Seul dans la cour, rien lui donne envie. Sa patience fuit au goutte à goutte et le vase est bien rempli, bien rempli. Il se rêve magicien, sans colombe. Faire sortir de son chapeau une mitraillette. Il répète son tour chaque matin dans l'ombre. Il a une liste de gens qu'il voudrait faire disparaître, disparaître. Bientôt il se barre, change de cap, tout seul à l'écart. Le poids des regards, l'ont mis à part depuis le départ. Pas comme les autres, il a du mal à se dire. Il est le seul à savoir comment tout ça va se finir. Finir. En attendant, il fume une cigarette, cigarette. En rêvant d'être autre part, autre part. Il se dit qu'il faudra bien vivre avec, vivre avec. En espérant que ça passe. La cigarette, la cigarette, la cigarette. La cigarette. Couché sur son lit blanc, couché sur son lit blanc, à rêver d'être autre part. Il regarde par la fenêtre, il ne voit que du noir. Des tuyaux reliés à des poches accrochées à une barre. Il a du mal à marcher, mal à manger, mal à boire. Il devrait être au lycée mais à la place il est là. Ses jours sont comptés comme les vrais amis qui passent le voir. Il fait du karaté avec le tic-tac de l'horloge. Artiste qui se cache dans sa propre loge. Donnez-lui une mitraillette, il préférait la guerre. Boxeur, bloqué dans le vestiaire. Pas le droit, mais il fume quand même une cigarette. Une de plus ou une de moins, rien ne changera s'il arrête. Sa famille vient le voir avec leur regard aimant. Il leur dit à demain, il n'y croit pas vraiment. En attendant, il fume une cigarette, cigarette. En rêvant d'être autre part, autre part. Il se dit qu'il faudra bien vivre avec, vivre avec. En espérant que ça passe. Elle se lève tôt, par réflexe, réflexe. Mais en vrai, elle a plus grand chose à faire. Son mari envoie une autre, et il ment sans complexe. Elle le sait car elle fouille dans ses affaires. Femme au foyer, pas vraiment ce qu'elle visait. Parfois elle regrette son amour du lycée, du lycée. Toujours seule, elle en devient presque tarée. Si peu d'amour dans autant de mètres carrés. Seule avec sa cigarette, l'ambiance a changé. Depuis que son fils étudie à l'étranger, étranger. Elle avait des rêves, compris la poussière avec l'âge. Elle enviait même, enviait la vie de sa femme, de ménage. Elle a mal au crâne, dans sa tête une mitraillette. Tous les jours le même drame, une overdose de paillettes. Toutes les mêmes piscines, vu que son balcon. Elle veut faire le grand plongeon, celui qui te laisse au fond. En attendant, elle fume une cigarette, cigarette. En rêvant d'être autre part, autre part. Elle se dit qu'il faudra bien vivre avec, vivre avec. En espérant que ça passe. La cigarette, la cigarette, la cigarette, la cigarette. En rêvant d'être autre part.